T'es, ben dis donc René, ma grande, là, le dit j'ai beau, là, dit j'ai te chabara sous l'eau, poum. Nous, là, il sous bel et bien une heure, hein. Eh ben, chouchou, t'as raison. Eh ben, nous vendons un canou. Hein? D'accord. Un peu. Nous vendons, joie que petit oval, ça t'est. Hein? Allons-y. Et c'est parti. Je l'en partage les baisers de Nini sous les fonds de